Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici le journal, la grande édition de cette mi-journée du 5 novembre 2021. Le ministre de l'Énergie et des Mines dit qu'il est en train de tout faire pour que le prix du carburant augmente au niveau des prix pratiqués chez les voisins comme le Rwanda et la Tanzanie. Pour Ibrahim Ouizeye, il faut éviter à tout prix la hausse des prix des autres produits de première nécessité. Et l'administration communale de Manda en Provence et Bobanza a mis la main ce jeudi à Moussigny sur 75 sacs de ciment de la Bousséco vendus frauduleusement. L'auteur de l'infraction devra verser une amende de 200 000 francs burundais. Et deux employés de l'hôpital de district de Rutana sollicitent les investigations de la brigade spéciale anticorruption sur de probables cas de détournement et marginalisation à cet hôpital. Ils disent avoir été mutés pour avoir fait cette dénonciation. Voilà pour les quelques titres. Bonjour, le ministère de l'Énergie et des Mines dit qu'il est en train de tout faire pour que le prix du carburant augmente. Devant les sénateurs la semaine dernière, le ministre Ibrahim Ouizeye leur a expliqué que le carburant coûte moins cher au Burundi que dans d'autres pays de la région, comme le Rwanda et la Tanzanie. Pour ceux qui réclament la hausse des prix, il indique que cela entraînerait la hausse des autres produits de première nécessité. On l'écoute. Quand j'étais en Tanzanie, je menais mes propres investigations. J'ai demandé à mon chauffeur d'approcher le chauffeur du ministre rwandais avec qui nous étions ensemble dans la réunion. Comme réponse, c'est qu'un litre d'essence au Rwanda coûte 1088 et le gazoil coûte 1048. Donc, en multipliant par 3,5, ça tourne autour de 3600 pour le gazoil et 3900 pour l'essence. Aujourd'hui, je suis sous pression des importateurs qui réclament la hausse des prix du carburant. Cela est sous prétexte que le prix a monté au niveau international. Mais ils ne considèrent que leurs intérêts. Même en Tanzanie, pays proche de l'océan, là aussi le carburant est très cher. Je dis donc que nous ne ménageons aucun effort pour l'intérêt de la population. Je vous apprends d'ailleurs qu'on a abandonné certaines taxes, ce qui cause un manque à gagner de 3 milliards par mois. C'est pour que le prix à la pompe reste le même. Ceux qui plaident pour la montée des prix comme en Tanzanie oublient que tous les produits tributaires au carburant vont aussi monter, que ce soit les haricots, le sel et les tickets de déplacement, même de la bière. Celui qui en consommera, il va aussi monter le prix du haricot. C'était le ministre en charge de l'énergie, Ibrahim Ouizeye, traduit par Aubin Niyonguru. Deux employés de l'hôpital de district de Rutana réclament l'intervention de la brigade spéciale anticorruption pour mener des enquêtes à cet hôpital sur de probables cas de détournement et malversation. Ils viennent d'être récemment mutés pour avoir dénoncé ces cas de détournement, comme ils le disent eux-mêmes, et demandent que ces mutations soient annulées. Le médecin provincial à Rutana les invite à attendre plutôt la réaction du ministre ayant la santé publique dans ses attributions, du moment qu'il est déjà informé sur ce dossier. Gérard Nibigira. Sengiyumva Makere et Tuyishemeze Georges sont les deux employés de l'hôpital de district de Rutana, récemment mutés par le médecin chef de district de Rutana, Dr Chiza Gilbert. Leurs lettres de mutation ont été signées le 13 août 2021, deux jours seulement après qu'ils aient transmis au médecin directeur de l'hôpital de district de Rutana une lettre de rappel relative au détournement, malversation, corruption, favoritisme et impunité qu'ils disent avoir observé au dit hôpital, comme l'expérience. Nous pouvons citer le détournement de 400 litres de mazout octroyé par l'ONG FCHI 360 à l'hôpital de Rutana dans le cadre d'appui de la référence contre référence, soit 9600 litres qui équivaut à 23 088 000 francs. Il y a aussi le vol des matelas, plus de 50 matelas. À cela s'ajoute la réserve de 35 millions qui était destinée à la construction de la cuisine à foyer américain. améliorée. Mais malheureusement, les travaux se sont arrêtés quand on était en train de mettre en place la fondation de cette cuisine. Il demande l'intervention de la brigade spéciale anticorruption et du ministre ayant la santé dans ses attributions et l'annulation de leur mutation leur imposée. Nous demandons aux organes habilités, surtout la cellule anticorruption, de faire leurs propres investigations à propos de ce que nous avons dénoncé afin de retourner dans la caisse de l'hôpital tout argent sorti illégalement. Nous demandons aussi au ministère de la Santé publique de mettre en place un comité d'audit pour établir la lumière sur les doléances que nous avons présentées. Senguva Maker est représentant provincial du syndicat national du personnel paramédical et d'appui de la santé publique et SINAPA et de la coalition des syndicats du Burundi Kosibu à Rutana, tandis que Tuichemeze Georges représentait le syndicat SINAPA à l'hôpital de district de Rutana avant sa mutation et les deux pensent qu'ils sont victimes de leur responsabilité syndicale qui les contraint à dénoncer les cas de malversation et détournement. Le médecin chef de district de Rutana, Dr Chiza Gilbert, s'est réservé le droit de tout commentaire sur cette mutation au moment où le médecin provincial à Rutana, Dr Joaché Barakenguza, lui demande à Senguva Maker et Tuichemeze Georges d'attendre la réaction du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le VIH-Sida car ils lui ont déjà transmis une correspondance pour lui demander de plaider en leur faveur. Depuis Rutana, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Et le dialogue permanent entre l'employeur et l'employé est incontournable dans le but d'arrêter des mesures visant la lutte contre la pandémie de Covid-19 en milieu de travail. C'est ce qui a été dit dans un atelier ce vendredi, dans un atelier organisé par le Comité national de dialogue social et l'Organisation internationale du travail à l'intention des membres des comités provinciaux de dialogue social. Le but de cet atelier était de rappeler aux membres de ces comités de bien connaître le code du travail pour bien jouer la médiation entre les employés et les employeurs en cas de conflit. De plus, ces comités sont appelés à sensibiliser au respect des mesures barrières contre le Covid-19 en milieu du travail. Fidèle Savuman. Comme l'indique Calixte Ngurunziza de l'Organisation internationale pour le travail, OIT en sigle, le Covid-19 a causé plusieurs changements dans l'organisation du travail, ce qui a eu des effets non souhaités au niveau des employés et employeurs. Le Covid-19 a occasionné beaucoup de situations pouvant avoir des conséquences néfastes sur le marché du travail. Et là, je peux citer la diminution considérable de l'activité économique, qui des fois pousse certaines entreprises à diminuer le nombre de personnel ou bien à introduire d'autres modèles de travail comme le télétravail, comme la diminution des heures de travail, ce qui, une fois, peut générer des conflits de travail si ce n'est pas très bien discuté entre l'employeur et les travailleurs. Pour Atanasi Mbonabucha, secrétaire exécutif du Comité national pour le dialogue social et CNDS en sigle, le Comité provincial pour le dialogue social devra connaître le code des réglementations du travail, sans oublier de sensibiliser les employés et employés au respect strict des mesures barrières contre le Covid-19. Le monde du travail englobe et les employeurs et les travailleurs, et le gouvernement aussi, c'est un employeur, d'ailleurs c'est le grand employeur. C'était trilogique. Formée par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, elle doit être en concertation permanente sur l'organisation du travail. Nous nous attendons à ce que également ils puissent aider à sensibiliser et les travailleurs et les employeurs pour qu'il y ait une application stricte des mesures édictées par le ministère de la Santé afin de combattre effectivement le coronavirus. Le consultant qui a exposé sur les effets du Covid dans le secteur de l'emploi montre qu'en Afrique, il y a eu 60 millions de pertes d'emplois à une seule année de 2020. Fidèle Sabiman, un élève est mort des suites des blessures reçues au niveau du front dans des affrontements qui ont opposé les élèves de l'Ecofo Chamazi et ceux du lycée islamique après le match qui opposait les deux écoles. C'était ce 4 novembre vers 18h sur la colline Mbouri, zone Chamazi, en commune Gisagara de la province de Tchankouzo. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité, c'est le nommé Irangunda Fulgence, 22 ans, qui a lancé une pierre à Tarira Sharif, de 13 ans, qui a été blessé et évacué vers le centre de santé Gassegni, où il a fini par rendre son âme. Le présumé auteur a été interpellé pour un dossier pénal. n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Les habitants de la zone Guéhocha disent qu'ils viennent de passer près d'une semaine sans avoir de l'eau dans les robinets. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters expliquent que cette situation leur cause divers problèmes, notamment ceux qui ont des restaurants qui se chamaillent avec les clients et ceux qui ont des ateliers de couture qui sont arrêtés par la police pour ne pas avoir mis de l'eau de lavage devant leurs ateliers dans le cadre de la prévention contre le Covid-19. Ils demandent à la régie des eaux de trouver une solution à ce problème. C'est un reportage d'Arthur Kavaouchi. Ces habitants de la zone Guéhocha disent qu'ils viennent de passer entre 3 et 7 jours sans avoir d'eau dans leur robinet, ce qui leur cause différents problèmes. Une femme rencontrée sur place, qui est propriétaire de restaurant, indique qu'elle a eu de l'eau ce lundi uniquement. Elle fait savoir qu'elle garde espoir qu'elle va en avoir, mais en vain. Elle indique que ça lui cause des problèmes car les clients veulent se laver, l'eau à mettre dans les seaux pour le lavage des mains et pour en avoir, elle doit payer une personne qui le transporte sur la tête, une somme qui oscille entre 500 et 700 francs bout. Cette femme dit qu'elle s'est chamaillée avec ses clients car l'eau était sale et qu'ils lui ont dit de ne plus revenir. Une autre personne rencontrée est un tailleur. Il indique que des policiers sont venus et ont arrêté certains qui n'avaient pas d'eau pour le lavage des mains dans les seaux. Il souligne que c'est un problème dans ce quartier Guéhocha. Ses habitants demandent à la régie des eaux de leur donner de l'eau comme ça se faisait avant. Cette pénurie d'eau qui s'observe en zone Guéhocha dans la ville de Bujumbura est également observée dans d'autres quartiers de la capitale économique. Arthur Kavaouchi, l'administrateur de la commune Nhangwa, appelle les propriétaires des maisons érigées sur les voies publiques à les démolir eux-mêmes. Un appel lancé après le constat des maisons construites anarchiquement sur des routes au quartier Nyabagere de la zone Guéhocha de cette commune. Ernest Nyonzima estime que le blocage des voies publiques gêne les interventions en cas d'incident. Suivez-le, ces propos ont été recueillis par Jean de Dieu Irakodze. Qu'on venait de le voir ou de le constater, une personne s'est appropriée en construisant dans une route non autorisée, je dirais dans une route publique. Ce que nous demandons premièrement, c'est de dégager d'abord la partie construite qui ne lui appartient pas. Deuxièmement, j'interpelle aux autres occupants des parcelles de pouvoir au moins respecter les normes de l'urbanisme pour leurs propres intérêts. En plus de cela, là où la route est bien dégagée, je dirais qu'en cas de préjudice, d'intervention et d'office. Ce que l'administration pourrait faire est d'interpeller en premier lieu au conseil collinaire. Eux qui sont un œil ou une oreille de l'administration ou de l'établir une hozi pour qu'ils puissent préparer, je dirais, leur passage. En outre, là où il y a le passage, le bon passage ou une route qui est bien planifiée, le développement vient si trop vite. Autrement dit, au cas contraire, si la route est barrée, vous comprenez automatiquement que même en cas de préjudice ou de problème, l'intervention devient dire ou trop dire. Je vous l'avais dit dans les titres, 75 sacs de ciment de la Bosseco ont été saisis par l'administration communale de Manda en Provence et Boubanza. C'était ce jeudi à Moussigny. Les habitants et les administratifs locaux qui ont vu le camion chargé de ces sacs de ciment déplorent le fait que le ciment est rare dans les magasins connus et souvent à plus de 30 000 francs burundais quand il est disponible. Celui de type Dangote, 42 000 francs burundais. L'administrateur de la commune Manda reconnaît avoir saisi ce véhicule rempli de ciment. Il va être utilisé dans la construction des infrastructures communales. Nadine Nibitanga ajoute que le propriétaire devra payer une amende de 200 000 francs burundais. On reste à Boubanza pour vous dire que les mœurs, les mentalités ainsi que l'ignorance de certains parents de cette province font que le taux de consultation prénatale reste moins élevé, en dessous de 40% selon le médecin directeur de la province sanitaire de Boubanza. Dr Joël Wigirimana l'a déclaré ce jeudi lors d'une réunion avec les représentants de l'administration, ceux des confessions religieuses et les responsables sanitaires. Spes Caritas Cavagnana. Les femmes enceintes ne se présentent pas aux structures de soins pour les consultations prénatales, du moins pour la plupart, comme les conférenciers à cette réunion l'ont déclaré ce jeudi dans les enceintes de l'école paramédicale de Bubanza. Docteur Joël Bikirimana, médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza, nous parle ici de l'état des lieux. L'état des lieux des consultations prénatales, donc pour les consultations prénatales précoces, donc on a les 3 mois. Et on voit que nous sommes à 33%. Et au niveau des consultations après l'accouchement, on est donc dans les 2 jours, on est à 15%. Et à 15 jours, on est à peu près à 44%. Docteur Joël Bigirimana parle également de certaines causes qui empêchent les femmes enceintes à faire les consultations prénatales. On a vu qu'il y a des mentalités burundaises. Et les mentalités burundaises qui poussent que les femmes, donc on ne se prononce pas qu'il est enceinte donc avant 3 mois, il attend que sa grossesse se remarque au niveau de la population. C'est là alors qu'il consulte au niveau de nos centres de santé. Et après l'accouchement, on voit que la femme est accouchée bien. Donc il n'a pas de problème, donc il voit qu'il se porte bien et ne voit pas les conséquences qui peuvent survenir donc après l'accouchement pour se consulter. C'est pourquoi alors nous avons donc des taux qui sont très bas donc en rapport avec ces indicateurs. Au cours de cette réunion à laquelle étaient conviées les autorités administratives, les représentants des confessions religieuses, les responsables des centres de développement familial et communautaire, ainsi que les responsables sanitaires, une réunion organisée par le Bureau provincial de santé, appuyée par l'ONG Memisa, on a expliqué le calendrier des consultations prénatales et postnatales et les sensibilisations vont continuer afin de réduire au maximum les cas de maladies et de décès des enfants et des femmes suite à l'absence aux consultations prénatales et postnatales. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space, toujours dans les nouvelles de Provence. Lancement ce vendredi en Ngozi sur la colline Kavumu de la campagne provinciale de pulvérisation et fertilisation des caféiers. 29 millions de plants caféiers que compte la province Ngozi sont concernés. Émile Wakizuranvier, chargé de la formation et vulgarisation au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, projette une bonne production caféicole cette année au regard de la floraison de ses caféiers. Apollinaire Muzagara. Cette campagne provinciale de pulvérisation et fertilisation du café a été lancée sur la colline Kavum. Le chargé de la formation et vulgarisation au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage invite toute la population d'Ongozi à répondre sans exception à cette activité afin que tous les 29 millions de plants caféiers que compte cette province soient touchés. Son responsable de l'EPAI Ngozi conseille aussi aux caféiculteurs l'utilisation de la fumure organique et engrais chimiques NPK dans la fertilisation afin d'avoir de bons rendements en quantité et qualité. Emile Bakizuranvier appelle ces derniers à payer rapidement cet engrais, quitte à l'utiliser juste après la deuxième phase de pulvérisation qui aura lieu dans 21 jours. Son cadre dit de l'EPAI Ngozi rassure que cette province aura cette année une bonne production. À regarder la raison actuelle, c'est les conditions climatique reste clémente. Deon Daïsaba, de l'Office de développement du café à Ngozi, parle d'au moins 3 000 tonnes de café cette année contre 2 300 tonnes l'an passé. La population de Ngozi affirme avoir été payée à temps l'an passé, contrairement aux années antérieures. De Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Actualité internationale. À 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro, nous ouvrons la rubrique internationale. Les autorités nigériennes ont décrété un deuil de 48 heures sur toute l'étendue du territoire à compter de ce vendredi. Et c'est après avoir confirmé jeudi 4 novembre la mort de 69 civils dans la région de Tillaberi dans une embuscade djihadiste survenue mardi 2 novembre. Parmi les victimes figure le maire de Bani Bangou. Selon nos confrères de Erifi, le maire et les villageois étaient en route sur une quarantaine de motos lorsqu'ils ont été pris en embuscade par des combattants lourdement armés du groupe État islamique au Grand Sahara. Ils menaient un convoi de 84 villageois qui s'étaient constitués en comité de vigilance. Les membres de ce comité étaient armés, ce qui est interdit par la loi, et alors qu'officiellement il n'existe aucune milice au Niger. En actualité toujours africaine, l'émissaire américain est à Addis Abeba pour tenter d'arracher la paix et mettre fin à une guerre civile éthiopienne qui a déjà duré 1 an et qui menace de s'étendre à tout le pays. Les rebelles tigréens progressent vers la capitale éthiopienne, Mais le gouvernement d'Abiy Ahmed promet de se battre jusqu'au bout pour sa survie. Et dans la capitale, l'inquiétude grandit et, d'après des diplomates, les espoirs sont minces. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Innocent Bibonimana au micro Jean Bosco Ndouimana. Nous souhaitons de passer un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.